avec progressivement un risque d'averse orageuse. Il y aura demain un dégradé de température, il fera déjà un petit peu moins chaud sur le sud, 22 degrés. Par contre, encore 28 à 29 degrés sur le centre et le nord. À partir de vendredi, le temps devient variable, un petit peu moins chaud, de 19 à 23 degrés pour commencer et une moyenne de 16 à 20 pour le week-end. Excellent début d'après-midi, les 13h. Où se baigner cet après-midi? Les piscines extérieures, les lacs ne sont pas tous ouverts. Tout n'est pas non plus surveillé. On fait le point dans un instant. Des perquisitions à la ville de Mons. C'est le service des étrangers qui est visé. On suspecte un trafic de fausses cartes de résidents. Une dizaine de personnes sont entendues par la justice. Alexandre Čeferin est le nouveau patron de l'UEFA et nous nous intéresserons aussi en fin de journal au Grand Prix de Wallonie, c'est du cyclisme. Le journal de la mi-journée présenté par Manu Delporte. Manu, bonjour. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. C'est la question du jour. Où est-ce qu'on va pouvoir nager une dernière fois à l'extérieur cet été? Il fait beau, très beau. C'est sans doute un des derniers jours où il sera possible de faire un petit plouf à l'extérieur. Malheureusement, en Wallonie, c'est comme à la mer. Il n'y a pas de maître nageur partout. Lionel Denebourg, avec l'aide de tous nos journalistes en région, vous allez nous faire un petit topo des endroits ouverts et surveillés. Les Liégeois sont vernis, hein Lionel? Ah oui, avec le lac de Robertville qui est accessible et vous pourrez nager sous la surveillance de maîtres nageurs. C'est le cas aussi des piscines extérieures de Chaudfontaine, Otep et Wissenbach à Saint-Vite. Mais attention, d'autres sites habituellement accessibles ont été fermés depuis la fin des vacances. C'est le cas notamment de la piscine olympique extérieure de Spa, des trois bassins du domaine provincial de Wégimont et de la partie plage du centre Worricken à Butchenbach. Pas de possibilité, enfin peu de possibilité, Lionel, en province de Namur. Ah oui, Chaudfontaine est fermé depuis le 1er septembre. Idem au lac de Bambois. Pas de baignade. Et là, c'est surtout à cause de la présence de cyanobactéries, autrement dit d'algues bleues. Dans le Brabant wallon, Rénipon, Alan est ouvert. Le Bois des Rêves, par contre, est fermé. Et puis à Charleroi, dernier jour que vous pourrez profiter au centre de délassement de Clairefontaine à Godarville, au centre de délassement de Marcinelle. Et puis à Mons, la piscine du Grand Large, elle ouvre en ce moment son bassin extérieur. Malheureusement, pas de piscine pour les Bruxellois, pas de piscine extérieure en tout cas. Et les fontaines, on vous l'a déjà dit cet été, eh bien on ne peut pas s'y baigner. 30 degrés comme en plein été, ça demande une vigilance particulière pour le transport, le stockage, la distribution des denrées alimentaires. Il faut respecter la chaîne du froid. Ça ne concerne pas seulement l'alimentation, c'est aussi très important en ce qui concerne les produits pharmaceutiques comme les vaccins ou les médicaments sensibles à la chaleur. Jean-Claude Hénuy s'est rendu dans une pharmacie de Namur. Le respect de la chaîne du froid pharmaceutique, un véritable enjeu de santé publique. De plus en plus de médicaments sont issus des biotechnologies et sont très sensibles à la chaleur et aux variations de température. Des mesures s'imposent donc dès le transport. Adrien, pharmacien. Nos transporteurs, via nos grossistes répartiteurs des médicaments, nous amènent les médicaments via des frigos portables ou des camionnettes réfrigérées. À quelle température? En règle générale, entre 2 et 8 degrés pour une bonne conservation des médicaments via frigo. Un conditionnement spécifique est également prévu en officine. On a une ERCO pour conserver une température ambiante adéquate pour les médicaments. Pour tout ce qui est médicaments spéciaux frigorifiques, effectivement, on les met dans un frigo particulier. Les contrôles sont effectués par l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. Colin Wellmans, porte-parole. Les inspections peuvent se dérouler de manière aléatoire, donc aussi bien au niveau de la fabrication dans les usines et l'industrie qu'au niveau de la distribution chez les grossistes répartiteurs, les distributeurs et puis enfin dans les pharmacies elles-mêmes. Le patient doit évidemment conserver au frais les médicaments thermosensibles et autres vaccins ou insuline. Le cas échéant, ces produits peuvent perdre en efficacité, voire devenir toxiques dans de très rares cas. Des perquisitions à la ville de Mons ce matin. 10 perquisitions, notamment une au service des étrangers de l'administration communale. C'est sérieux, on apprend qu'une douzaine de personnes sont arrêtées. Un employé a été interpellé. Jérémy Gilter, est-ce qu'on sait ce qu'on lui reproche exactement? Elle est suspectée d'avoir participé à une filière qui permettait à des personnes venues d'Afrique d'obtenir illégalement des cartes de résidents étrangers en Belgique. D'après nos informations, la justice a recensé une quarantaine de dossiers suspects environ. Alors plusieurs perquisitions, vous l'avez dit, ont eu lieu depuis hier soir, principalement dans l'arrondissement judiciaire de Mons. Une douzaine de personnes ont été interpellées, pas encore arrêtées. Une douzaine de personnes interpellées, dont un employé de l'administration communale de Mons. Son ordinateur a été saisi, un employé du service étranger. Les interrogatoires sont en cours en ce moment et le parquet refuse de donner plus de détails pour l'instant. Merci Jérémy. Plus de tram entre Simonis et le collège Sacré-Cœur à Gensoren. Un accident a eu lieu entre un tram et un piéton à hauteur de l'arrêt Panthéon. Les ambulances sont toujours sur place. De nouvelles pertes d'emplois, cette fois chez Eurostation, filiale de la SNCB. Eurostation, c'est la société qui s'occupe des travaux dans les gares. Elle emploie 172 personnes et son chiffre d'affaires est en recul. Elle annonce un plan licenciement collectif. 40 emplois sont menacés. Chez Caterpillar à Gosselies, on attend une assemblée générale cet après-midi. La direction américaine de la multinationale doit aussi rencontrer les autorités belges. Au départ, elle devait rencontrer uniquement le gouvernement wallon, mais on sait à présent que la direction internationale va rencontrer aussi Charles Michel et le ministre fédéral de l'emploi, Chris Peters. Le rendez-vous est fixé dans une demi-heure au Palais d'Egmont, en terrain neutre en quelque sorte, puisque c'est un haut lieu de la diplomatie belge où sont généralement reçus les chefs d'État étrangers. Épargner ne rapporte plus rien. Pire, le compte épargne finit même par nous faire perdre de l'argent. Vous le savez, les banques ont raboté les taux d'intérêt, on frôle les 0,1-0,2% de rendement. Mais dans le même temps, l'inflation, elle, est de 2%. Bref, le coût de la vie augmente. Résultat, votre argent, celui qui dort sur le compte épargne, perd petit à petit sa valeur. Constat de Xavier Falla, il est directeur général chez CBC Bank. L'épargnant ne prend pas conscience du fait que le taux, le rendement de son carnet d'épargne est mangé par l'inflation. Et on a beau faire preuve d'un maximum de pédagogie, l'épargnant ne veut pas savoir ça. Et je pense qu'en fait, sa préoccupation première, quand il utilise cet outil qui est le compte d'épargne, sa préoccupation première, c'est la disponibilité de l'argent. Et cet argument, cet atout, remporte tout et va au-delà du rendement que pourrait avoir ce placement. Interview signée Michel Vizard. Et c'est bien vrai puisque les Belges disposent de 19 millions de comptes épargne avec plus de 265 milliards d'euros placés sur ces comptes. C'est un record. Le pilote de rallye François Duval, rattrapé par la justice, le Couvinois, a été condamné pour complicité d'escroquerie par le tribunal correctionnel de Dinan. Il écope de 4 mois de prison avec sursis. L'ancien pilote, aujourd'hui garagiste, a dépanné plusieurs voitures d'un ami, des véhicules volontairement sinistrés, selon la justice, afin de tromper les assurances. L'auteur principal de la fraude, lui, est condamné à 8 mois de prison avec sursis. À l'étranger, à Paris, un mineur arrêté et mis en prison. L'adolescent s'était proposé pour une action terroriste. Il a été arrêté dans le 20e ce matin, dans le 20e arrondissement. Il pourrait avoir des liens avec le commando de femmes démantelé la semaine dernière en France. Et puis cet accident d'autocar à Barcelone, tôt ce matin, un autocar qui transportait des touristes s'est renversé. Il y a 24 blessés, dont 3 grièvement atteints. Alexander Čeferin est le nouveau président de l'UEFA. Le Slovène partait favori devant le Néerlandais Michael Van Praag. Čeferin achèvera donc le mandat du Français Michel Platini. Il devient aussi, par la même occasion, vice-président de la FIFA pendant 2 ans et demi. Čeferin a 48 ans, il a une formation en droit et jusqu'ici, il présidait la Fédération Slovène de football. Les Belges qui entrent en scène dans la Ligue des Champions, ils reçoivent ce soir les champion d'Angleterre, Leicester. Dans le groupe, ils se retrouveront aussi face à Porto. Bref, Vincent Manhart, le manager de Bruges, est assez réaliste. Hein. Bruges ne part pas favori. C'est logique que Leicester comme champion anglais et Porto, vu leur palmarès, ils sont favoris. Mais bon, on a montré il y a 2 saisons contre Copenhague qu'on peut gagner contre Copenhague. On a joué un match nul qui était difficile d'ailleurs, mais on jouait match nul chez nous et on a clairement gagné chez eux. Donc je pense que l'ambition, c'est toujours le maximum. On a maintenant l'opportunité de commencer, de débuter chez nous, dans notre stade où on est toujours très fort. Si on peut bien commencer, si on peut bien démarrer cette compétition, on ne sait jamais où on va terminer. Des propos recueillis par Ebi Brouzakis. Et puis, c'est une après-midi très sport hein, sur Vivacité, puisqu'il va être question de cyclisme. Les coureurs sont partis de la citadelle de Namur pour le Grand Prix de Wallonie, arrivés à Chaux-Fontaine sur le coup de 17h, si tout va bien. Et les coureurs comme vous, Samuel Grulois, vont profiter d'une journée très chaude aujourd'hui. Oui, un très généreux soleil, et ça nous change après la pluie tout aussi généreuse de 2015. Les 139 coureurs engagés sur ce 57e Grand Prix de Wallonie ont quitté le terrain de foot de Beaufailly dans l'antiqué de Chaux-Fontaine il y a un peu plus d'une heure. Ils ont déjà franchi deux côtes, celle de Saint-Hubert et celle de Saint-Remac. La direction maintenant à la côte de Werbeaumont du côté de Ferrières. Les choses sérieuses, ce sera pour un peu plus tard, dans un final légèrement redessiné, mais avec encore et toujours la trilogie Lustin-Tiano-Pierre Citadelle de Namur, trilogie dans laquelle les hommes forts ont fait la différence lors des trois dernières éditions, trois éditions remportées par des Belges. Les vainqueurs 2015 et 2014, Debussuré et Van Avermaet, sont absents. Par contre, le lauréat 2013, Jan Backlands, est de la partie et il fait figure de grand favori, lui qui sort de la Vuelta avec une grosse condition. Backlands devra surtout se méfier de l'Armada Lotto avec Galopin, Benoît Van Endert et Tim Wellens. 45 kilomètres ont été parcourus, 6 hommes sont en tête. Merci Samuel, on vous retrouve bien sûr sur Vivacité dans moins d'une heure. Et on part sur les routes avec Anne-Michel Vlouberg et des soucis à Cheurat en ce début d'après-midi. Oui, à Cheurat, et tout d'abord ce souci avec les suites de l'accident impliquant plusieurs camions, donc sur le 40 d'Aix-la-Chapelle-Bruxelles à hauteur de Barchamps. Le passage se fait via la bande de gauche uniquement. Vous perdez là près de 35 minutes en direction de Bruxelles. Et comme vous l'avez dit dans l'autre sens, eh bien, à hauteur de Cheurat, ça coince vers Aix-la-Chapelle. Une circulation ralentie sur 7 km. Vous perdez là une trentaine de minutes. Pareil ailleurs, sur le ring de Bruxelles, on a un accident, circulation intérieure à hauteur de Léonard. Une bande de circulation est neutralisée avec à la clé quelques fils dans lesquels vous perdez une dizaine de minutes vers Waterloo. Et puis accident encore, du moins les suites sur le 40 Gonstant. À hauteur de Bernheim, la bande droite est neutralisée. Fils à partir d'Alter, vous perdez une trentaine de minutes en direction du littoral. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et maintenant, on prend la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. On va parler d'insécurité affective. L'insécurité affective, en effet. Est-ce qu'on peut vraiment prendre les choses du bon côté avec une insécurité affective? Il y a moyen de rebondir. Ah, il y a toujours moyen de rebondir. Vous voyez toujours le verre à moitié plein. Faut, c'est ça qui est bien hein, dans la vie faut, du bon il côté. Il faut. Merci pour ce journal. L'info revient à 14h. Si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin, Vandenborg rembourse la différence. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. Et bonjour à tous et bon soleil à tous. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais on ne peut pas profiter, moi non plus. Mais ça me fait plaisir d'avoir une belle journée ensoleillée quand je me réveille, de savoir que le soleil sera encore là quand j'irai me coucher. Même si j'en ai pas profité, j'en ai profité d'une certaine façon. C'est intéressant ce qu'elle dit Manu. C'est vrai que bienvenue à vous tous qui avez décidé en effet qu'il y a peut-être moyen, peut-être quand même, de rebondir face à une situation difficile. Alors on va parler aujourd'hui de l'insécurité affective. Qu'est-ce que c'est l'insécurité affective? Ouïouïouï, c'est un grand débat ça. On a peut-être jamais fait une émission que là-dessus, mais on l'a déjà évidemment survolé plusieurs fois. Un sentiment de vide intérieur, pour résumer la chose, une peur constante d'être abandonné ou de se retrouver seul, une certitude de ne pas être aimable. Mais d'où vient l'insécurité affective? En avez-vous déjà entendu parler? Comment apprendre à vivre avec? Est-ce que vous avez déjà fait un travail sur ça? 070 23 33 23, SMS 30 63 via la page Facebook de l'émission, via l'email

Ah, vous aimez aussi, hein, Maguelone. Beaucoup. Je vous vois danser. Nous sommes deux en studio. C'est le tube du moment, hein. C'est le tube de l'été, comme l'été est toujours là. C'est Justin Timberlake. Passionné des relations humaines, vous êtes Maguelone Boé. Vous pratiquez comme thérapeute en relation d'aide. Vous développez des ateliers pour tous sur l'insécurité affective ou le bonheur au travail aussi. Vous serez en conférence ce soir à Bruxelles, au Centre des Sources Ruquel, numéro 48. Nous parlons de l'insécurité affective avec des témoignages qui commencent à arriver. L'insécurité affective, sentiment de vide intérieur, une peur constante d'être abandonné ou de se retrouver seul. Est-ce que ça vous parle? 30, 63, 50 centimes, votre message. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Mais chérie, mais ça fait déjà 5 fois que tu rates la sortie. Tu le fais exprès ou quoi? Mais non, pas du tout. On se sent tellement bien à bord du nouveau Citroën C4 Picasso, bénéficiant du Citroën Advance Comfort avec navigation connectée et pack lounge. Venez le découvrir dans nos points de vente et profitez en septembre de nos conditions exceptionnelles sur toute la gamme. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi! Instagram, ouvre-toi! Crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça! Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Mais enfin chérie, qu'est-ce que tu viens de dire, hein? Je viens de dire que là, les poissons clowns, ça va une heure, mais une semaine, là je peux plus, j'en ai plein les palmes, j'en ai ras du bol. Toi tu restes si tu veux, mais moi je vais chez Ford. Mais chérie! Non, je vais chez Ford! Eh oui, résistez à l'appel du tout nouveau et très charismatique Ford Edge, le plus grand SUV de la gamme. Aux Performance Days du 15 au 30 septembre chez votre distributeur Ford, ce sera une vraie performance. Ford, go further. Plus d'infos sur Ford.be. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Viva Bruxelles et la Une présente. Chaque fois dans le métro, je me dis, essaye le vélo. Faut vraiment que j'innove sur le chemin du boulot. Auto-métro-vélo, je peux aussi marcher. Fallait franchir le pas, oser mixer, bouger. Je me suis dit mobile mix. Du 16 au 23 septembre, semaine de la mobilité. Et le 18 septembre, dimanche sans voiture. Be Mobile Mix, Be Brussels. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté, avec Sylvie Honoré. Avec Maguelone Boé qui sera donc en conférence ce soir. Conférence à Bruxelles sur l'insécurité affective. Premier témoignage de Cynthia Maguelone sur la page Facebook. Elle dit « J'aimerais réagir, Sylvie, par rapport à ça. J'ai 32 ans. J'ai peur que l'on m'abandonne, de ne pas être assez bien. J'ai pas trop confiance en moi. C'est dû sans doute à une enfance mouvementée, difficile. C'est un vrai handicap pour moi dans la vie de tous les jours et pas toujours simple à gérer. C'est une peur irrationnelle. J'en suis bien consciente. » Est-ce que Cynthia... Est-ce que le témoignage de Cynthia ressemble à des dizaines, des centaines d'autres qui pourraient témoigner de la sorte? Mais oui, c'est absolument. Exactement ça. Mais oui, d'abord, je déjà lui transmettre toute mon empathie, hein, pour ce qu'elle traverse. Et c'est vrai que c'est assez représentatif de ce que l'on entend généralement comme message, comme global, hein, oui. Cette espèce de chose un petit peu diffuse, qui est handicapante dans les relations, qui est handicapante, qui fait que l'on n'ose pas nécessairement prendre des risques, que l'on peut finir par s'isoler un petit peu aussi par peur de vivre du rejet, peur de vivre de l'abandon, peur de vivre de la culpabilité. Et vraiment, c'est un encouragement que j'ai envie de lui transmettre et à chacun de faire des expériences positives. C'est vraiment par le passage à l'action, par le fait d'oser prendre avec des personnes avec qui on est en sécurité, dans un climat de confiance, de ne pas se lancer avec n'importe qui, mais de vraiment oser pour arriver à se construire une sécurité intérieure et arrêter d'être dans l'attente que l'extérieur nous sécurise. Se construire une sécurité intérieure. Marie, bonjour. Oui, bonjour. Mais qu'est-ce que vous attendez, Marie, pour vous construire une sécurité intérieure? Ah, bonne question. Qu'est-ce qu'on attend tous, finalement ? Marie, vous vivez ce problème ? La même façon ? Oui, en fait, je vis ce problème au quotidien. J'expliquais pas vraiment vis-à-vis. J'ai trois enfants. Il y a un lien de sang. Il y a une part de moi en eux. Donc, au niveau de mes enfants, ça ne pose pas problème. Au niveau, quand il y a un lien de sang, en fait, pour moi, il n'y a pas de problème parce que je sais que l'amour sera toujours là malgré tout. Ah, d'accord. Et plus au niveau de mon compagnon, de mes amis, où j'ai toujours besoin d'être rassurée, comme si chaque jour, il faut recommencer. Alors que bon, il y a plus de 20 ans que je suis avec mon compagnon, mais chaque jour, j'ai besoin de savoir qui m'aime, qui tient à moi, comme si, oups, ça s'évapore comme ça chaque jour. Un ami, si j'ai plus de nouvelles pendant quelques jours, ça y est, il m'a oublié, même plus, ou... Voilà. Ça va parler à beaucoup de personnes, Marie, votre témoignage. Oui, je me doute. Ah, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais déjà, Marie, je veux vous dire toute mon empathie à vous. Puis je trouve ça beau que vous soyez capable de faire la distinction entre les liens de sang, où là, la sécurité est installée, ce qui fait que vous ne vivez pas ça. Puis en même temps, votre compagnon, vos amis proches, où là, même après une relation de 20 ans, cette insécurité est toujours là, elle perdure. Donc, c'est sûr que ça se transforme, Marie. C'est pas une fatalité, c'est pas obligé de rester pris avec ça, quelle que soit notre histoire de vie, quel que soit notre héritage familial. Mais ça demande vraiment un travail pour accepter de reconnaître que cette insécurité, elle n'a rien à voir avec le compagnon. Vous devez le savoir après 20 ans que la relation, elle est quand même solide, elle est quand même établie. Et ça demande vraiment d'apprendre à départager que c'est pas à cause de votre compagnon ou parce que votre compagnon est insécurisant que vous êtes insécure, mais c'est vraiment quelque chose qui vous appartient puis que vous devez apprendre à transformer, quelles que soient les relations qui vous entourent. Donc, qui dit ça se transforme, qui dit ça demande un travail, c'est vous qui le dites, évidemment. Oui. Ça veut dire que vous allez donner des clés au cours de l'émission, peut-être. Peut-être quelques-unes. Vous voyez ce que je veux dire, oui, pour pouvoir travailler là-dessus. Parce que Marie, à mon avis, elle va attendre ça patiemment, en disant oui. Ça fait 20 ans que je suis comme ça, Sylvie. C'est fou la différence qu'elle fait entre les liens de sang et en effet les autres liens, le compagnon, les amis, en effet. C'est dingue de faire cette différence-là. Mais oui, c'est parce qu'en fait, l'insécurité affective, c'est quelque chose qui, au départ, s'est construit dans le lien aux éducateurs. Souvent la mère, mais c'est pas obligé, ça peut être le père, mais très très souvent c'est la mère, parce que nos besoins fondamentaux n'ont pas été suffisamment adéquatement répondus. Pas parfaitement, suffisamment adéquatement répondu. Ce qui fait que ce que l'on a compris, c'est que nos besoins ne sont pas adéquats, que l'on devrait avoir d'autres besoins. Et du coup, on attend toujours de l'extérieur qu'il nous valide dans nos besoins, qu'il nous valide dans le fait qu'on a le droit d'exister, qu'il nous valide dans le fait qu'on est... Donc, ça s'est créé dans la relation avec les parents, mais après... On le déplace sur une personne. D'accord. On projette, j'ai envie de dire, toute cette charge, tout ce manque, toute cette insécurité sur un lien particulier. Très souvent, c'est le conjoint, évidemment, ou la conjointe. Qui en prend plein. Exactement. 070-23-33-23, SMS 30-63, je pense que là, on avance déjà. J'ai pris pas mal de notes aussi pour pouvoir rebondir et vous reposer des questions pour voir si j'ai bien tout compris. Avec plaisir. Magellan Beau est notre invité d'aujourd'hui, l'insécurité affective, notre thème du jour, 070-23-33-23, SMS 30-63. Le Brabant Wallon présente... Le saviez-vous ? Septembre est idéal pour semer ou entretenir votre pelouse et novembre pour planter haies et arbustes. Si vous ne connaissez pas votre sol, alors demandez une analyse. Pour moins de 13 euros, le Centre Provincial de l'Agriculture et de la Ruralité s'en charge et vous donne des conseils. Info brabantwallon.be. Vive à Bruxelles est là de présente Bruxelles Champêtre. Participez à la plus grande fête urbaine et citoyenne le dimanche 18 septembre. Dans le Parc Royal, rencontrez plus de 100 producteurs locaux et petits brasseurs. Laissez-vous tenter par des animations des plus insolites. Vous n'aurez pas assez d'une journée pour tout découvrir. Info sur bruxelleschampêtre.be avec le soutien de la région de Bruxelles Capitale. Win for Life, c'est 2000 euros par mois à vie. De quoi partir si souvent à Marbella que tu en oublierais parfois que tu es juste en Belgique. Bonjour monsieur. Hola señor. Alors, cuatro pistoleros y dos gozetas con pomas, por favor. Mais vous pouvez parler en français monsieur, hein, pas de problème. Alors ça, pour un hasard, c'est un hasard. Faut que je tombe sur un boulanger belge à la Costa del Sol. Ça fait longtemps que vous êtes installé ici. Joue à Win for Life dans ton point de vente, online ou sur mobile. Win for Life, du fun for life. Avis de recherche. Nous signalons la disparition du dénommé Michel Janssens.

off. Je n'ai qu'une envie, c'est de retourner dans ce genre d'événement. 30 septembre à Mons, 6 octobre à Liège. L'avis du bon côté @rtbf.be. Si vous souhaitez avoir des renseignements, il y a le lien sur le site de Cap 48. Il y a le lien sur la page L'avis du bon côté. Soit vous me laissez aussi un message Facebook, soit vous nous appelez pendant l'émission. Bon, Magellan, Beau, et vous serez donc en conférence ce soir à Bruxelles. Et demain, il y a une grande soirée d'information, puisque vous serez une formatrice en Belgique. Voilà. Absolument. Parlons de Colette Portelance, parce que c'est quelqu'un, évidemment, qui est important pour vous, puisque c'est elle qui a développé cette approche. Voilà, je pense que c'était en 1985. Elle enrichissait le monde de la thérapie humaniste au Québec par la création de l'approche non-directive, créatrice. Et 30 ans plus tard, cette approche, la NDC, est présente plus que jamais et contribue à l'épanouissement de milliers de personnes au Québec et en Europe, et donc en Belgique, c'est vraiment le tout début. Hein. C'est demain que vous ferez cette soirée d'information avec, donc, dans l'ombre, on va dire, de Colette Portelance, qui délègue un peu. Vous êtes une de ses apôtres, est-ce qu'on peut dire ça? C'est pas mal pris. Oui, formatrice, en tout cas, dans l'école qu'elle a créée. Non, apôtre, ça me convient, ça tout à fait. Oui, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'elle a créé, pour le plaisir de travailler avec elle à plusieurs reprises aussi. C'est une femme assez extraordinaire. Il y a peut-être des personnes aussi qui connaissent certains de ses livres, comme Relations d'aide et Amour de soi. Alors, c'est vraiment un grand plaisir de travailler dans ses pas. Oui. Et Colette Portelance qui est venue dans notre émission, mais ce n'était pas moi. Donc voilà, je n'ai pas eu d'approche directe avec elle, c'est dommage. C'était Thomas Loridet, je pense, qui présentait l'émission à ce moment-là. L'insécurité affective, on en parle avec Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Sylvie. Parce qu'elle touche aussi bien les hommes que les femmes. Nous avons eu notre auditrice il y a quelques instants, Marie, et je pense que c'est un peu pareil pour vous, Christophe. Vous vous retrouvez dans son témoignage? Disons que je me retrouve dans tous vos témoignages, notamment la personne qui est intervenue avant moi. Oui, oui. C'est-à-dire que depuis longtemps, depuis mon enfance, je vis ce mal-être. Qui s'accompagne de culpabilité, de sentiments de vide, et justement comme madame, je ne sais pas, la personne qui est votre invitée le disait, oui. Aussi cette attente de que l'extérieur vienne vers moi, mais comme elle ne vient jamais vers moi, je reste toujours sur ma faim. Et bon, ma vie dégoûte petit à petit, et je m'aperçois que je passe plus de temps avec ce problème-là qu'autre chose, quoi. Mais, Magellan. Déjà, Christophe, c'est sûr que je veux vous dire toute mon empathie. Hein. C'est bien, bien sensible au fait que cette culpabilité, ce vide, cette attente, et puis ce sentiment que ça devient très, très envahissant, ce problème-là. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, en particulier la culpabilité. Puis, c'est un travail de longue haleine. Hein. C'est vraiment un travail dans la durée, d'apprendre à se rappeler que l'extérieur ne peut rien faire pour combler ce vide intérieur, que l'extérieur n'a pas de pouvoir, que il n'existe pas ce prince charmant qui va venir transformer combler ce vide intérieur. Donc c'est tout un travail pour apprendre à comment est-ce que vous pouvez combler ce vide-là. C'est vraiment un renversement intérieur qui est à faire, et ça se fait tout à fait. C'est un travail où ça demande de beaucoup de bienveillance face à soi-même, beaucoup d'accueil de soi, beaucoup d'accueil du fait que c'est pas facile, que ça peut être long, pour apprendre après à retoucher à ses ressources, pour apprendre à retoucher à son potentiel, à sa joie de vivre. Donc c'est tout un travail pour se reconstruire à partir de soi. On a pas mal de personnes qui nous écrivent en effet qu'elles vivent ce genre de situation et qu'elles sont en thérapie pour l'instant, qu'elles voient psychiatre ou psychologue, qu'elles sont suivies en tout cas, et qu'elles sont devenues invivables. Donc à un moment donné, il y a eu un déclic qui les a fait prendre conscience qu'il fallait absolument se tourner vers une personne extérieure. 070 23 30 33 23, SMS 3063. Viva Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM.

Noise sur Vivacité. Que vous soyez à la recherche d'une nouvelle carrière, que vous désiriez développer vos aptitudes relationnelles pour rehausser votre niveau de compétence dans votre profession actuelle, eh bien il y a cette séance d'information qui se déroulera demain, soirée d'information gratuite, demain à Bruxelles à 20h au centre Les Sources Ruquel 48, pour parler de cette formation que vous donnerez. Donc Maguelone Boé, c'est vous qui allez être la formatrice ici en Belgique. Donc c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent aller très loin, qui peuvent suivre 4 années de formation. Pour devenir thérapeute en relation d'aide. Thérapeute en relation d'aide. Ou alors il y a des personnes qui ne peuvent faire qu'une année. Mais oui, absolument. La première année, c'est vraiment une année de connaissance de soi. C'est une année pour apprendre à avoir des relations plus satisfaisantes, relations à soi, relations aux autres. Donc chaque week-end de formation, il y a 11 week-ends de formation, porte sur un thème particulier qui permet à la personne d'approfondir. Donc, il y a des connaissances théoriques, il y a des exercices, il y a des échanges à deux, il y a des échanges en groupe. C'est très très riche comme formation. D'accord, donc ça c'est à partir de demain. Enfin en tout cas la soirée d'information c'est demain. Ouais. La formation elle commence quand? Elle commence mi-octobre, mi-octobre, le 23 octobre je pense, c'est le premier, oui, première fin de d'accord, semaine. D'accord, pendant 11 week-ends donc. 11 week-ends et une semaine complète à la fin de l'année. Ok, et puisque vous êtes là, eh bien ce soir vous donnerez une conférence, donc tout public, conférence tout public à partir de 20h au centre Les Sources, Ruquel numéro 48. David va témoigner dans cette émission. David? Oui, bonjour Sylvie. Bonjour. Parce que vous vivez avec un homme de 38 ans, dites-vous, qui a un besoin constant de réconfort. Et vous pensez que c'est dû à un manque de communication, que c'est dû aussi à ce qu'il a vécu dans son adolescence? Je pense que c'est dû effectivement au fait de ne pas avoir pu s'extérioriser. À mon avis, il y a plein de sentiments à l'époque et peut-être d'amour manqué peut-être de la part des parents. Je ne parle pas naturellement de l'amour maternel, mais je veux dire de certains sentiments que lui ressentait, qu'il a peut-être voulu transmettre, qu'il n'a pas su faire. Et je pense que tous ces sentiments et toute cette vie refoulée, toute cette jeunesse et son adolescence très très difficile, en plus c'est quelqu'un qui vient du Maghreb, je veux dire, donc c'est encore avec d'autres poids supplémentaires. Je pense que tout ça fait que cette personne est constamment incertaine et tout le temps me dit est-ce que tu m'aimes encore, est-ce que je sers à quelque chose, et c'est vraiment angoissant, mais c'est même angoissant pour le partenaire. Oui, je comprends, bien sûr. Parce que si vous voulez, dans votre relation, vous vous sentez, enfin moi je me sens très stable, ce n'est pas ma première relation, donc je veux dire, dès que je suis en relation avec quelqu'un, j'ai la confiance en l'autre et j'essaie d'établir un équilibre. Mm-hmm. Et cet équilibre est constamment remis en cause, absolument pas brisé, mais chaque fois remis en cause parce que je sens l'incertitude dans l'autre, quoique rien ne se passe, mais on sent qu'il y a ce besoin, cette peur, et souvent d'ailleurs ce chagrin, parce que très souvent, je le sens dépressif. Par rapport à ce qu'il a dit, Maguelone. Oui. Alors, c'est vraiment la question avec un grand L de l'insécure, est-ce que tu m'aimes? Et la personne insécure va avoir tendance à poser cette question de manière quasiment harcelante à la longue. Ça, ça peut être 25 fois par jour, sans arrêt. Et le problème, c'est que la personne qui pose cette question, la personne insécure, mettons que pendant 24 fois, son compagnon ou sa compagne va lui répondre la main sur le cœur, oui, je t'aime absolument, les larmes dans les yeux, etc. Et au bout de la 25e fois, il va peut-être y avoir un tout petit peu d'impatience. Et devinez quoi? Devinez quelle est la fois que la personne va retenir? Celle-là. Et absolument. Ah. À chaque fois. Donc la personne qui est insécure, constamment va se valider par l'extérieur qu'elle a raison d'être insécure. Et donc les seuls signaux, j'ai envie de dire, qu'elle retient sont ceux qui viennent la conforter qu'elle a raison d'être insécure et méfiante et ne pas s'engager dans la relation, etc., etc. Donc, la chose à faire, David, si je puis dire, c'est d'apprendre à cette personne-là à préciser la question et à préciser son besoin. Donc, à chaque fois que la personne demande « est-ce que tu m'aimes ?», c'est de lui dire « pourquoi est-ce que là, tout de suite, tu me poses cette question ?» Qu'est-ce qui se passe là, en ce moment, dans la relation qui fait que tu es insécure ? Pour que la personne apprenne à s'arrêter

chemin de croix. Pourquoi pas sourire? Rien de plus normal. Mais la tragédie a de balles. Je sais, il y a bien pire. Sur Viva, dans la vie du bon côté avec Après toi. On parle de l'insécurité affective aujourd'hui avec Maguelone Boé qui sera ce soir en conférence à Bruxelles à 20h, Centre Les Sources, Ruquel 48. Alors témoignage fort quand même de David dans lequel beaucoup se retrouvent hein, il y a quelques instants, qui vit avec cet homme jeune, 38 ans, qui lui demande en effet plusieurs fois par jour s'il l'aime toujours. Depuis la dernière fois, ça veut dire 10 minutes auparavant peut-être. Alors la personne extérieure, comment doit se positionner la personne extérieure, Maguelone? Mais oui, c'est une question importante. Ça, puis j'étais touchée par le témoignage de David. Oui. C'est tout le sentiment d'impuissance qu'on vit à travers ça, hein, quand on est le mari, la femme, le conjoint, la conjointe, parce qu'on veut, on veut aider absolument, mais à ce moment, on a vraiment l'impression d'avoir un seau puis de remplir un puits sans fond. Mm-hmm. La réalité, c'est que ce qui est difficile, justement, c'est que la personne extérieure, elle est investie d'une responsabilité qu'elle ne peut pas assumer, qui est de combler les manques qui se sont créés en relation avec les parents. Mmh. Mais il n'y a aucun conjoint, aucune conjointe sur Terre, aussi parfait soit-il, qui peut faire ce travail-là. C'est absolument impossible et c'est épuisant à la longue. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va dire peut-être que je prêche pour ma paroisse, mais que c'est tellement important d'aller chercher du support en thérapie, parce que le thérapeute, lui, c'est son travail. Il est formé pour ça, en tout cas dans notre approche et dans bien d'autres approches. C'est loin d'être la seule, c'est que la personne peut aider la personne insécure à lui dire, toi, comment tu vas t'occuper de toi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Comment est-ce que toi, tu vas mobiliser tes ressources? Le conjoint, la conjointe, sinon, la charge qu'il reçoit d'insécurité est très, très, très fatigante. Donc, c'est important que les conjoints, les conjointes ne prennent pas la responsabilité d'essayer de combler ce vide, parce que sinon, ils vont s'épuiser. On y reviendra. C'est important de savoir à qui se dresser, en effet, pour aller chercher une aide extérieure. 070 23 33 23, SMS 30 63. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. En télé sur la Une, son corps est tatoué d'énigmes. Vous croyez que c'est une coïncidence si on l'a livré comme un paquet cadeau à votre équipe? J'ai vu celui qui m'a emmené. Chaque tatouage est une clé. Chaque clé conduit à un crime. Blindspot, 3 nouveaux épisodes ce jeudi. Sur la Une. Dites, la Peugeot 2008, là, le grip control, elle l'a? Elle l'a. Et le high cockpit avec écran tactile, elle l'a? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a la caméra de recul et elle a le démarrage en côte aussi. Ah bon, elle l'a? Non, elle les a. Ah oui, oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Ah, oh, vous voyez, Monsieur Marc, tous ces vins à découvrir, on croirait faire le tour du monde. Et je peux dire qu'ils sont délicieux, petit. Je leur donne un 20 sur 20. Ah, c'est drôle, ça. À vous aussi, Monsieur Marc, je vous donne un 20 sur 20. Pendant le festival des découvertes Carrefour Market, découvrez des vins jamais vus, à prix jamais vu. Vous ne les connaissez pas encore tous, alors venez vite. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvoies, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurance, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Excellent après-midi à l'écoute de Viva, il est 14h. Et c'est Lionel Denebourg qui nous informe. Bonjour, une dizaine de perquisitions ce matin à Mons. L'une d'elles visait le service des étrangers de la ville. Un employé a été interpellé. Il est suspecté d'avoir fourni illégalement des cartes de résident à des étrangers. Les interrogatoires sont encore en cours en ce moment. Record de chaleur déjà battu pour un 14 septembre. À midi, le thermomètre affichait déjà 29,2 degrés à Kleinbrogel en Campine. Le précédent record datait de 1964 et ça va encore continuer à grimper cet après-midi. Un véritable cagnard donc pour les coureurs du Grand Prix de Wallonie. 139 courageux qui relient cet après-midi Chaudfontaine à Namur. Alors Samuel Grulois, est-ce que les coureurs tiennent le coup avec cette chaleur ? 80 km ont déjà été parcourus, Lionel, dans ce Grand Prix de Wallonie, effectivement disputé sous une très forte chaleur qui a poussé les organisateurs et le jury des commissaires à modifier les habitudes en autorisant les ravitaillements en eau dès le 20e kilomètre et jusqu'à 10 km de l'arrivée. Ce Grand Prix de Wallonie a, comme qui dirait, un petit air de Tour de France en plein mois de juillet. Le plateau en moins, car soyons honnêtes, les stars du cyclisme snobent un peu cette 57e édition à cause surtout d'un calendrier surchargé. La Vuelta, les Grands Prix de Québec et de Montréal viennent s'achever. Les tout nouveaux championnats d'Europe viennent de débuter à Plumelec. Certaines équipes ont tranché et ont donc préféré ne pas faire le déplacement, comme la BMC par exemple de Van Avermaet et de Gilbert. Ou bien alors vous avez le cas des Etix Quickstep qui est bien là mais avec une équipe que l'on qualifiera d'équipe B. Les absents ont de toute façon toujours tort. Il y aura bien un vainqueur tout à l'heure devant le château de Namur. 9 coureurs sont en tête, dont les Belges Abo et Enroule, membres de deux équipes wallonnes, Wallonie-Bruxelles et Color Code, qui se devaient évidemment d'être devant sur ce Grand Prix de Wallonie. Merci Samuel Grulois, que l'on retrouvera tout à l'heure. Le successeur de Michel Platini est connu, Alexander Šeferin est le nouveau président de l'UEFA, la Fédération Européenne de Football. Alexander Šeferin était jusqu'à présent le président de la Fédération Slovène de Football. Le club de Bruges, lui, entame ce soir son parcours européen en Ligue des Champions. Match à domicile contre Leicester, le champion d'Angleterre. La météo, on y revient, vous le sentez sans doute, encore 1 degré de plus qu'hier, prévu cet après-midi jusqu'à 33 degrés sur l'Est. On en profite parce que demain, une zone de pluie et d'orage nous remonte depuis la France. Le point RTBF Mobile Info, Anne-Michel Vlouberg, et toujours les conséquences de cet accident sur la E40. Oui, mais cela dit, j'apprends à l'instant eh bien une bonne nouvelle, puisque la chaussée a été dégagée enfin sur le 40 d'Aix-la-Chapelle-Bruxelles, à hauteur de Barchon. Le passage donc se fait un petit peu plus facilement. Cela dit, vous perdez encore près d'une quinzaine de minutes, le temps effectivement que les fils se résorbent donc en direction de Bruxelles. Par ailleurs, dans les travaux toujours sur le 40 à hauteur de Cherat, dans les deux directions, vous ralentissez. Vous perdez une quinzaine de minutes vers Bruxelles ou encore 50 minutes en direction d'Aix-la-Chapelle. Et puis du côté du ring de Bruxelles, quelques ralentissements à noter également. En circulation intérieure où vous perdez maintenant de Zaventem au Carrefour Lenard une dizaine de minutes et une dizaine de minutes à compter en plus. En circulation extérieure, Zaventem, Grand Bigard. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci Anne-Michel. On reprend la papote dans la vie du bon côté. Dis Sylvie, est-ce que tu m'aimes ? Oui, mais moins que l'autre journaliste là. Mais plus que. Oh la Rose. Mais plus que l'autre aussi. Dis, mais tu m'aimes quand même un petit peu. Oui, mais bon, on ne va pas me poser la question 20 fois par jour, hein, Lionel. C'est ça l'insécurité affective, d'accord ? Voilà, j'ai tout compris. Ben, voilà. Merci pour ce flash. L'info revient à 15h. Pearl Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein ? Conditions sur pearl.be. Le beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel qui ce dimanche se termine et s'installe surtout ce dimanche 18 septembre à Bruxelles à l'occasion de la journée sans voiture. Le beau vélo de Ravel vous fera découvrir notre belle capitale verte à vélo. De nombreuses animations vous seront proposées et ce dimanche 365.be vous permettra de découvrir quelques activités mises en place par l'Aquarium de Bruxelles. C'est ce que nous détaille Guillaume Moulart et son invité Pierre. Messieurs, bonjour. Ce 18 septembre, nous prendrons place dans la capitale à Bruxelles avec comme activité l'Aquarium de Bruxelles. Alors Pierre, vous en êtes le conservateur. L'Aquarium, c'est un peu un endroit magique où on retrouve des animaux qu'on ne peut plus trouver ailleurs au final. Oui, malheureusement, il y a là-bas 48 aquariums représentant 250 espèces d'animaux, plus on va dire aussi 250 espèces de plantes différentes. Et parmi les animaux, il y a malheureusement des animaux qui n'existent plus dans le milieu naturel ou qui sont gravement menacés. Alors on ne va pas demander à ces animaux de se déplacer jusqu'à l'Atomium, jusqu'au beau vélo de Ravel, mais vous allez emmener quoi justement pour nous montrer, notamment de la nourriture vivante que vous donnez juste à vos animaux? Oui, les animaux doivent manger, on doit varier leur alimentation, comme nous on doit aussi varier notre alimentation. Et parmi l'alimentation pour les animaux qui aiment bien manger du vivant, on aura la possibilité de montrer des différentes larves de moustiques, différents vers, différentes crevettes que l'on donne à nos animaux. Alors il y aura aussi pour les plus petits, pour les enfants, un petit jeu de reconnaissance, qui est qui, quoi et quoi. Exactement, qui mange quoi, tiens, est-ce que c'est un mammifère? Il y a aussi pour les adultes, donc les adultes et les enfants auront des jeux de réflexion, de connaissance, et puis il y aura aussi des jeux plutôt tactiles, et ce sera une petite surprise. Comme on dit, c'est de 7 à 77 ans, rejoignez-nous ce dimanche 18 septembre, ce sera à l'Atomium à Bruxelles. Et dimanche, sans voiture. Merci, allez voir sur notre site internet pour avoir donc bien sûr plus de détails sur le déroulement de cette dernière journée qu'il ne faut absolument pas manquer. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté. Avec Maguelone Beau, elle sera ce soir en conférence à Bruxelles. Ce 14 septembre à 20h, pas de réservation, vous présentez Centre Les Sources, rue Kell 48 et vous aurez encore une place, c'est certain. L'insécurité affective, c'est le thème de la conférence de ce soir. Qu'est-ce que c'est? Un sentiment de vide intérieur, une peur constante d'être abandonné ou de se retrouver seul, une certitude de ne pas être aimable. D'où vient l'insécurité affective? Et demain, il y aura aussi une soirée d'information, une soirée d'information pour vous présenter cette nouvelle formation que Maguelone vous donnera. Si vous souhaitez la suivre une année, vous serez vraiment enrichi personnellement, voilà, mais vous ne deviendrez pas thérapeute. Mais si vous la suivez plusieurs années, c'est à raison de 11 week-ends par an, du moins la première année, vous pourrez donc être formé en approche... Non, directive... Créatrice. Créatrice. C'est Colette Portelance, encore une fois, qui est très connue, bien sûr, dans le développement personnel, qui en est la fondatrice. Tout à fait, c'est voilà, ça. Au Québec. Ouais. Ça s'est d'abord mis en place au Québec, ensuite la France, et aujourd'hui la Belgique. Oui, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui la Belgique. Alors nous avons des témoignages vraiment extrêmement chouettes. Je vous les ai lus hors antenne. Je pense que les personnes ont bien compris, parce que vous expliquez bien aussi, ont bien compris le problème, entre guillemets, si c'en est un, c'est qu'il y a des solutions. On va essayer d'en trouver, en tout cas avec vous. Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. On a été interpellée par votre message, Isabelle, en disant « Votre émission tombe à pic ». Car tout à l'heure, oui, je disais justement à mon compagnon que ça me faisait peur, son comportement excessif, de toujours me demander si je l'aime 20 fois par jour. Ben oui, quand il m'a sonné, demandant. Ah. Bon, à mon avis, on n'ira pas plus loin parce que c'est coupé. Mais donc, apparemment, j'ai entendu quand il m'a sonné, donc il a téléphoné. Il lui demande, à mon avis, plusieurs fois ça par téléphone. Et elle dit dans son message 20 fois par jour, en effet, il me le demande. 20 fois par jour, je lui dis que je l'aime. Et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je comprends mieux maintenant, dit Isa en vous écoutant. Donc ça veut dire qu'elle va prendre conscience. Est-ce que parce qu'elle va prendre conscience, ça va changer quelque chose? Oui, si elle s'adresse à lui différemment, Maguelone. C'est la première étape. La prise de conscience, c'est vraiment la première étape pour qu'il y ait quelque chose qui puisse s'installer comme changement. C'est une étape qui est fondamentale. Déjà, si on commence pas par ça, on peut pas aller vraiment plus loin. Mais il faut garder en tête qu'on est en train de transformer des fonctionnements qui sont inscrits dans, au cœur de la personne depuis des dizaines ou des vingtaines, 30, 40, 50 ans pour certains. Oui. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est comme tout un travail de rééducation si on s'était blessé physiquement ou si on avait... Donc il faut vraiment être patient avec soi, patient avec l'autre. Et des fois on s'épuise, des fois on n'y arrive plus. Mais lui demander, pas 36 fois non plus, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça, hein? Pourquoi est-ce qu'il vous pose la question? Isabelle, oui, vous pensez que vous pourriez lui poser la question consciemment, lui dire mais pourquoi tu me l'as déjà demandé il y a 2 heures, qu'est-ce qui a changé par rapport à 2 heures, il y a 2 heures? Bah, ils me disent parce que comment j'ai pas voulu, enfin je lui ai pas répondu tout de suite ou... C'est tout des petites excuses. Hein. Oui, ce sont des excuses. Oui, voilà, c'est ça. J'arrive pas à toujours comprendre pourquoi il est comme ça avec moi. Quoi. Et quand je lui pose la question s'il était comme ça avec ses précédentes compagnes, il me dit que non. Ah. Donc, je ne sais pas. J'ai du mal à définir. Ça me fait peur, en fait, parce que je ne sais pas comment me comporter. Et s'il m'appelle au téléphone, je dois répondre tout de suite. C'est toujours des SMS. Allez, on va dire 40 SMS par jour. Mais je sais pas comment. Des fois, je réagis mal en fait. Je lui réponds mal parce que je lui dis que je lui ai déjà répondu. Et je sais pas, j'ai du mal à. Ah oui, je comprends pas toujours pourquoi elle est comme ça, quoi. Je comprends parfaitement. Bon, il y a la sécurité affective, il y a ce qui peut devenir du harcèlement aussi. Mais oui. Ce qui peut malheureusement être souvent le cas chez une personne qui est très très insécure. Puis la question peut-être à se poser de la part d'Isabelle, dont le témoignage est bien touchant, c'est de regarder qu'est-ce qui fait qu'elle continue de répondre, qu'est-ce qui fait qu'elle continue de s'acharner à essayer de rassurer son compagnon, puisque visiblement de toute manière ça ne marche pas. Donc c'est vraiment aussi pour la personne qui est en face, est-ce qu'elle-même est tellement insécure qui fait qu'elle veut à tout prix que la relation marche, qu'elle continue de le rassurer. Donc de regarder peut-être qu'est-ce qui part d'elle qui fait qu'elle maintient, qu'elle ne dit pas bon ben là ça suffit, maintenant je vais arrêter de te répondre. Oui. Donc il y a quelque chose à regarder aussi de la part de la personne qui peut nourrir ce fonctionnement-là en répondant. D'accord, bien. On apprend pas mal de choses avec vous, Maguelone, sur le sujet. Voilà, je suis assez intéressée, interpellée. Delta, En visant la lune, c'est la chanson qui s'installe maintenant dans vos oreilles. Continuez à témoigner. 30, 63, 50 centimes par message envoyé. On atterrira dans les étoiles. On aura plein de belles histoires à raconter. Pas d'arrivée sans long voyage. Sinon, bien d'autres avant nous. L'or est tenté. On caressera les nuages comme la pluie les deltas planent. Nous ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. En visant la lune. On atterrira dans les étoiles et de là-haut on pourra voir le monde entier. Hors de portée des orages, un jour on posera nos bagages et on rira ensemble des galères du passé. On ira aussi haut que nos bras pourront nous porter, même au-delà, ne serons pas nombreux à pouvoir s'en vanter. Yeah. Delta en visant la Lune, on ne peut pas se tromper. Vous êtes nombreux à témoigner sur l'insécurité affective. Il y a vraiment des belles questions. Si je lis celle-ci, on va essayer de prendre la personne au téléphone. Quand on est insécure, Sylvie, n'a-t-on pas tendance à se mettre avec une personne qui ne montre pas trop son amour, comme pour recréer le nœud familial? Ne répondez pas tout de suite. C'est une question intéressante. Isa, donc, qui a témoigné il y a quelques instants en disant « Votre émission tombe à pic, car tout à l'heure, je disais à mon compagnon que ça me faisait peur, son comportement excessif a toujours me demandé si je l'aime. » Nathalie, dans quelques instants, s'exprime, elle se reconnaît parfaitement. Elle est allée jusqu'au bout, ça veut dire qu'elle est suivie actuellement parce qu'elle est allée jusqu'au bout du côté invivable. Et donc aujourd'hui, je pense même que son mari est parti, elle a une souffrance énorme parce qu'elle l'était de ce côté-là, elle était à demander justement toujours à l'autre de lui exprimer son amour. Donc elle viendra, je pense dire des choses intéressantes. 070 23 33 23 SMS 3063. Je veux être surpris. Je veux le meilleur et l'unique. Je recherche les défis, la singularité, la découverte. Et j'ai trouvé ma voiture, celle qui fait la différence. Comme moi, partez à la découverte du monde de l'excellence Infiniti chez Infiniti Brussels, 321 Chaussée de Louvain à 1932 Woluwe Zaventem. Drive different, be Infiniti. On n'est pas des pigeons. Vous non plus? Alors rendez-vous demain dès 11h sur Vivacité. Tu as remarqué? Plus les journées raccourcissent, plus les nouvelles collections automne augmentent. Toi, tu es passé chez Espace Mode. Et je compte bien y retourner avec toi. Stop aux automnes moroses. Espace Mode présente toutes les nouveautés de la saison dans les marques les plus tendances. Sweats, jupes, pulls, pour toute la famille et pour tous les goûts. Espace Mode sera ouvert ce dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Découvrez la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Pour un prix spectaculaire, dis, qu'est-ce que tu fais avec ma voix? Je la rends plus spectaculaire, comme l'offre. Non, arrête ça. Ok, je coupe. Découvrez des... Non, tu l'as pas coupé. Ah non? Arrête ça immédiatement. J'ai peur. Vous voyez, ça marche? Non, ça marche pas. Mais si. Non. Abonnez-vous à la nouvelle offre spectaculaire de BTV. Des milliers de films et séries inédits pour seulement 24,99€ par mois sans engagement. Appelez le 0800 825 ou surfez sur btv.be. BTV, déchaînez-vous. Bah oui, déchaînez-vous. Combien demanderiez-vous pour couper votre petit orteil? Le petit orteil. Tu peux demander ce que tu veux. 60 000. Allez bon, 1 million. 2 millions alors. Devenir handicapé, ce n'est pas un choix. 80% des handicaps surviennent au cours de la vie. Cap 48. Pour que le handicap ne soit plus un handicap. Parce qu'aimer la nature, c'est d'abord aimer les hommes. Peridaiza, partenaire naturel de Cap 48. Chérie, combien de temps avant 22h? 6 secondes, concentration maximale. Hein. Pas trop tôt, pas trop tôt. 4, 3, allez Patrick, 2, à fond. 1 et go! N'oublie pas de passer en dessous du canapé, hein. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions au 0800 32 032. Essent.be, notre énergie, une source de plaisir. Jusqu'à 15h, la vie du bon côté. Magdalene Beau est notre invitée, thérapeute en relation d'aide. Vous développez des ateliers pour tous sur l'insécurité affective, sur le bonheur au travail. On peut vous contacter via votre site internet. Absolument, avec grand plaisir. Des personnes qui sont aujourd'hui confrontées par ce problème-là et qui vous ont entendu et qui se retrouvent peut-être dans certaines solutions à mettre en place pour eux, pour elles-mêmes ou pour la personne avec qui elles partagent cela. Nathalie, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue Nathalie, vous nous téléphonez pour vous-même, bien entendu, puisque vous êtes allée au bout. Quand je dis être allée au bout, vous considérez d'ailleurs aujourd'hui encore comme une personne invivable ou bien vous, ça va mieux? Est-ce que vous travaillez là-dessus, Nathalie? Je travaille, mais il n'y a pas d'amélioration. Donc, je suis invivable, j'ai tout perdu. Voilà, je suis suivie par un psychologue, par un psychiatre. J'ai un traitement dont je prends des médicaments, mais... La situation ne s'améliore pas. Voilà. Donc, j'ai très peur d'être seule, j'ai très peur de l'abandon. Avec tout le monde? Avec des personnes en particulier? Avec mon conjoint, avec mes enfants. Aussi les enfants. Parce que tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu une auditrice qui a fait la différence entre les liens de sang. Elle dit, là, j'ai pas de problème, je sais qu'il y a de l'amour, mais c'est par contre, plus mes amis. Vous, non, c'est tout le monde. Je ne vois plus ma fille non plus, qui a préféré couper... la relation. Donc, voilà. Et qui vous a dit, c'est plus possible, maman, c'est ça, Non, ce que j'ai jamais assez, c'est toujours les disputes, je doute tout le temps de moi. Donc, j'ai toujours ce besoin d'être rassurée. J'ai jamais assez. C'est toujours la peur qu'on ne m'aime pas, la peur d'être rejetée, la peur de ne pas être à la hauteur. Avec la personne avec laquelle vous travaillez, est-ce qu'il y a un retour vers le passé? Est-ce qu'on doit obligatoirement se retourner vers le passé pour comprendre, Nathalie? Je vous la pose, la question à vous, et Maguelone, après je vous la poserai à vous. Non, faites pas ça. Mais voilà, non. Pour savoir, Maguelone, c'est vrai que vous m'avez dit ça tout à l'heure, Sylvie, il faut absolument poser la question à des personnes, voir si elles font un retour sur leur passé. Est-ce que c'est important de faire un retour sur le passé? Non, vous dites non, ma gueule. Ah, absolument pas. Même c'est... si on se dit c'est ça vient de mon enfance et tout ça, non. Non, ça fait rien, ça sert à rien en fait. Parfois ça arrive et si ça arrive, on accueille ça. Mais de savoir d'où ça vient, une fois ça fait quoi? De savoir que ça vient de la mère, du père, bon, bah, c'est intéressant de le savoir. Puis le danger avec ça après, c'est du coup, c'est de rester dans le blâme. Ah oui, mais si ma mère avait été autrement, c'est parce que ma mère était comme ça. Et ça aide pas la personne aujourd'hui. J'ai trouvé le témoignage de Nathalie profondément bouleversant d'entendre toute la souffrance, tout le malheur qu'il y a dans cette situation. Puis je veux vous dire, Nathalie, que c'est déjà bravo pour tout ce que vous mettez en place, le fait que vous allez chercher du support, le fait que vous parlez ici à la radio, le fait que vous preniez des médicaments. J'ai vraiment envie de vous encourager à ne pas lâcher, à persister dans vos efforts. Et puis vraiment, c'est une politique de petits pas. C'est une politique de petits pas, de commencer par une petite chose où on se sent à la hauteur. Aujourd'hui, je me sens capable, par exemple, d'aller dire bonjour au boulanger. Parfois, c'est juste ça, mais c'est pas ça qui est important. Aujourd'hui, je me sens capable de m'inscrire à un atelier pour participer à une chose. Aujourd'hui, je me sens capable, par exemple, de... Donc, c'est vraiment une politique de petits pas pour progressivement faire grandir la zone de sécurité intérieure. Ça va jusque-là. Oui, absolument. Ça commence par ça. Ça commence par des petites actions très spécifiques qui font que ça va faire des petites victoires. Et c'est la somme de toutes ces petites victoires qui fait que progressivement, on retouche à ces ressources, on bâtit une confiance en soi. Bien, merci Nathalie. On est évidemment derrière vous. Hein. Il faut mettre en place ces petites choses-là, vraiment. 070 23 33 23, SMS 30 63. J'aime bien aussi. Je lis le message d'Isabelle. Elle dit: Sylvie, j'en suis arrivée, moi, à un rêve récurrent. Chaque jour, mon mari que je sais aimant, me quittant, mes enfants que je chéris, oubliés, abandonnés, a besoin d'être rassuré, besoin de partager, sans cesse se justifier, hélas, non compris. Nous usons et abusons parfois d'alcool ou de choses de suralimentation pour un peu combler tout soir. Ça. Ben voilà, ce n'est que l'infime expression du mal-être qui me touche, dit Isabelle. Je vous embrasse, merci d'en parler aujourd'hui. 070 23 33 23 SMS 30 63 via la page Facebook sur laquelle je viens de mettre le site de Maguelone Beau et notre invité d'aujourd'hui, en écoutant Adèle là, tout ça. This was all you. Put your hands on my body and told me, you told me you were ready for the big one, for the big jump. I'd be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. No, we ain't kids no more. I'm giving you up, I've forgiven it all. You set me free. Survivre. Bon, des personnes nous disent, Sylvie, le plus important, c'est d'avoir confiance en soi. Ben oui, là, c'est là que réside le tout du tout. Mais de oui, l'équilibre absolument. Et du tout. Mais bon, voilà, encore faut-il l'avoir, c'est pas évident. Mais les personnes qui ont. Est-ce que les personnes qui ont confiance en soi, en elles-mêmes, n'ont pas ce genre de problème? N'auront jamais ce genre de problème? Disons que le problème s'atténue pas mal quand on arrive à bâtir la confiance en soi. Je suis d'accord. C'est pas pour ça qu'on l'aura pas d'une certaine façon. Ça ne disparaît pas au lavage. Voilà, bonne réponse. Vous serez en conférence ce soir. Franchement, ça, je crois que ce serait une chouette conférence hein, sur l'insécurité affective. C'est 15 euros l'entrée. C'est au centre Les Sources Ruquel 48 à Bruxelles. Dans quelques instants, autre témoignage, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes encore à dire sur le sujet. Sport Foot Magazine, les bouche bée, les commentateurs les plus survoltés. Cette semaine, le spécial Champions League et Europa League. Sport Foot Magazine, vivez le foot. En vente maintenant. À la maison, profitez plus ensemble. Chou, on irait bien en vacances entre mecs en Thaïlande. C'est bon ça les gars, oui. Vraiment, on part 3 semaines, 3000 euros. Mais qu'est-ce que tu attends, mais vas-y. Parfait, je réserve mon billet. Yes, tu disais quoi? Pendant qu'elle regarde le basket à la TV, il réserve des vacances avec ses potes grâce à l'internet ultra rapide et la télévision digitale d'Orange. Vous aussi, profitez plus et payez moins à partir de 39 euros par mois. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat ATK. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Vive à Bruxelles. En toute complicité. Sur 99.3 FM. La 2, en télé. Armé de bonne volonté, le service jeunesse de Scarbec enquête sur les familles en difficulté pour protéger les enfants. On laisse pas un enfant de 4 ans tout seul. C'est des faits graves, madame. Tout ça ne nous rendra pas le Congo. Vendredi soir, sur la 2. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kilos de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10 euros et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Jusqu'à 15h sur Vivacité, la vie du bon côté avec Sylvie Honoré. L'insécurité affective, ça touche, hein, ça touche. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans cela, que ce soit des personnes qui la vivent au sein d'elles-mêmes, voilà, avec ce problème-là depuis pas mal d'années, ou que ce soit le conjoint, la personne qui vit aussi avec une personne comme cela. Alors, on n'arrive pas à joindre cette personne qui nous pose la question, mais je vais vous la lire parce qu'elle est tellement intéressante. Quand on est insécure, Sylvie, n'a-t-on pas tendance à se mettre avec une personne qui ne montre pas trop son amour, comme pour recréer le nœud familial? Oui. Alors, c'est effectivement un phénomène très courant pour l'insécurité affective, comme pour toute forme de blessure relationnelle que l'on a par ailleurs. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la fonction de l'irrationnel, la fonction de l'inconscient, c'est de réparer, pour faire de nous des personnes plus entières, plus complètes, plus heureuses. Donc, mettons que j'ai une carence au niveau de la sécurité en moi, mon inconscient, il va constamment me mettre... chercher à me mettre en contact avec des personnes qui vont m'obliger à développer cette confiance en moi. Mettons que je porte de l'insécurité, mon inconscient va tout le temps me mettre en contact avec des personnes insécurisantes, mmh. pour m'obliger à bâtir moi-même cette propre sécurité. Donc c'est un phénomène d'attraction des pôles, j'ai envie de dire, comme dans un aimant, où on cherche à réparer ce qui nous manque. Ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que l'inconscient, il nous resserre les plats jusqu'à ce qu'on les mange. Donc mettons que la première fois, je vais non, ça va, pas trop, insécure. Deuxième fois, non, ça va. Troisième conjoint, pouf, tout à coup, ça va être quelqu'un qui va être très, très insécurisant pour m'obliger, moi, à me construire cette sécurité et d'arrêter d'être dans l'attente de l'extérieur. Ça c'est fou, mais voilà, donc il fallait absolument que je vous pose cette question, parce qu'en effet c'est la seule qui ait compris ce genre de choses, la seule personne qui témoigne de ça et qui, et qui souhaite en parler. Bon, tout à l'heure je vous ai dit qu'on parlerait des enfants, hein, quand, vous avez parlé, quand on a parlé avec David, qui vit avec cet homme de 38 ans qui lui demande sans cesse s'il l'aime 25 fois par jour. Je vous ai dit, et les enfants dans tout ça, il y a des enfants qui sont concernés. Justement, Christine, on a votre témoignage à l'instant. Bonjour à vous, Christine. Bonjour, madame. Parce que vous dites, j'ai l'impression de vivre le problème dont vous parlez avec ma petite fille qui a 11 ans. Oui, ben j'ai été interpellée tout d'un coup dans l'émission et je me dis, mais c'est exactement ce qui se passe avec la petite. C'est-à-dire, avec dès vous qu'elle rentre uniquement de l'école, oui. Dès qu'elle rentre de l'école, elle me téléphone. Il faut qu'elle sache ce que je fais, si je vais sortir le chien. Tu me dis quand tu le sors, puis je suis à peine rentrée, pourquoi tu ne réponds pas, je suis inquiète, j'ai peur. C'est une petite fille qui a besoin d'énormément d'affection, je pense. Et vous lui répondez, Christine. Comment êtes-vous avec elle? Vous lui répondez? Oui, mais maintenant, par exemple, en rentrant de l'école aujourd'hui, elle me sonne déjà, coucou. Je lui dis, écoute, je suis occupée, et plus tard. Moi, à la fin, ça m'énerve, je n'arrive plus à... Elle vous... Et si je le dis à sa maman, on va lui supprimer son GSM. Donc, supprimer le GSM, c'est supprimer le contact qu'il y a entre elle et moi. Elle donc, ne fait que ça qu'avec bon. Vous. Elle ne fait que ça qu'avec vous. Qu'avec moi. Qu'avec vous. Les médecins disent qu'elle est très... Allez, comment on dit je ne trouve plus le mot. Enfin. Bah donc ça vous... Et quand vous ne répondez pas, ou vous dites, oh, je te répondrai un peu plus tard, je suis occupée et tout, elle vous dit, mais alors mamie, tu ne m'aimes plus? Ou est-ce qu'elle emploie les mots d'amour ou pas? Est-ce qu'il y a toujours un mot? Oui. J'ai des je t'aime tout le temps. Donc on est un peu dans ce cas-là, Magdalena. Elle m'appelle ma chérie et je t'aime. Et si je ne lui réponds pas, c'est plutôt des SMS. Hein. Mmh. Alors c'est mamie, point d'interrogation, tu es là, point d'interrogation, et ça n'arrête pas. Mmh. Bon, comment faire? Comment est-ce que Christine doit faire avec cette fille, 11 ans seulement, quoi, qui vit une souffrance, hein, qui dépasse? Donc il faut savoir que ça la dépasse, ce mais comportement. Oui. Mais oui, mon Dieu, ça la dépasse, puis c'est bien touchant, puis je suis bien sensible autant à la petite qu'à la grand-mère aussi, qui doit gérer cette situation. En fait, la question à lui poser à la petite fille, c'est pourquoi est-ce que tu me poses cette question-là, là tout de suite, hein? Un petit peu comme aux adultes, on le fait très bien avec les enfants, et souvent les enfants, ils vont répondre « je sais pas ». Ils font ça, c'est normal. Et c'est juste de leur laisser un petit peu de temps pour digérer, puis d'insister un petit peu. « Ok, est-ce que tu veux me y penser ?» Puis on en reparle, si tu veux, un petit peu plus tard, au repas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et puis, la deuxième chose à leur demander, c'est « qu'est-ce que tu vas faire maintenant ?» Ok, tu m'as déjà posé 10 fois la question aujourd'hui, si je t'aime, je t'ai déjà répondu. Là, qu'est-ce que tu vas faire pour t'occuper de toi autrement qu'en me posant la question? De quoi t'as besoin là? Il faut éduquer les enfants à apprendre à identifier leurs besoins et trouver les ressources à l'intérieur d'eux pour s'en occuper. De quoi t'as besoin là? Dis-moi. J'ai besoin que tu me dises que tu m'aimes. Ben, visiblement non, puisque je te l'ai déjà dit, ça marche pas. Alors est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait t'aider à te sentir en sécurité, à te sentir que mamie elle t'aime en ce moment? Donc on peut faire comme avec les adultes. C'est progressivement les éduquer à se responsabiliser de leurs souffrances ou de leurs besoins ou de leurs manques, de savoir qu'ils ont ce qu'il faut à l'intérieur d'eux. Donc c'est quelque chose qui les rend très libres. C'est ça qui est tellement beau dans ce travail-là. Ah bien, je suis contente quand même qu'on évoque cette facette-là de l'enfance aussi, puisque grâce à votre témoignage, Christine, là aussi, je pense qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront un petit peu dans ce que vous vivez et mettront, j'espère, en application ce que vous avez répondu. Magdalena Boé, notre invitée, qui sera en conférence à Woluwe. Voilà, Woluwe précisément, c'est ça que vous devez taper sur votre GPS pour connaître le lieu de rendez-vous de ce soir. voir. C'est au centre Les Sources, rue Kell, KE2LE, numéro 48. Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier. Tous les mots sont vous à qu'on se dit avec les doigts. Les gens voient dans la nuit un message pour celle qui me répondra qu'elle trouve un rendez-vous. Message électrique, quand elle électronique, je reçois sur mon écran tout son roman. En s'approchant multi et je la tire en duo. Après OK, elle me code ma vélo. Son nom sur mon écran, je me tape Marilou sur mon clavier. Quand elle se déshabille, je lui mets avec les doigts message reçu au code Marilou. Michel Polnareff avec son Goodbye Marilou. Vous voyez qu'il est dans l'insécurité affective avec Marilou dans la chanson. Il a l'air un peu proche du clavier, vous voyez, un peu trop. On n'en sort pas, on n'en sort pas. Parce que quelque part, on peut décliner l'insécurité affective à beaucoup de choses. Ah, bah oui, c'est ça, sûr. Ça, c'est sûr. Mais oui. Bon, on sait qu'on ne fera pas le tour du sujet en deux heures, mais c'est pour ça que vous êtes en Belgique pour faire une conférence sur le sujet à Woluwe ce soir, à la rue Kell, numéro 48. Dans quelques instants, c'est Patrick qui va témoigner. Je trouve ça intéressant. Patrick, il nous dit à partir du moment où on comprend le processus, on voit les erreurs qu'on a fait par rapport au conjoint. Et je trouve que là, ben voilà, il y a déjà une étape supplémentaire de franchise. C'est pour ça que Patrick, qu'on vous accueille avec grand plaisir dans un instant. Viva Bruxelles présente les Nocturnes des musées bruxellois. C'est reparti. Chaque jeudi soir jusqu'au 8 décembre, au moins 5 musées bruxellois vous ouvrent leurs portes avec un tas d'animations. Rendez-vous le jeudi 15 septembre pour le grand vernissage gratuit et le village des musées, rue américaine à Saint-Gilles. Info nocturnedesmuseesbruxellois.be. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordel à Schaerbeek pour la fête des familles, à l'initiative de la commune de Schaerbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Seconde vie à vos vieilles chaussures. Apportez-les jusqu'au 18 septembre chez Brentano. Vous recevrez pour chaque paire un bon de réduction de 12,50€ et vous soutiendrez une bonne cause. Brentano. Info et magasin ouvert ce dimanche, brentano.be. Retrouvez votre météo au 0900 277 70. 50 cents l'appel. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. La Meuse, la Nouvelle Gazette, la Province, Nord-Éclair et la Capitale vous offrent une entrée gratuite pour le plus beau parc miniature d'Europe à Bruxelles. Ce samedi 17 septembre, recevez une entrée adulte d'une valeur de 15€ à l'achat de votre journal. Une excursion magnifique pour toute la famille. Une place gratuite dans chaque journal, c'est ce samedi 17 septembre. Encore une exclusivité. 13h-15h, la vie du bon côté sur Vivacité. Magellan Beau est notre invité, Patrick qui est notre intervenant. Bonjour Patrick, merci de prendre le temps de partager avec nous votre ressenti. Vous dites à partir du moment où on comprend le processus, on voit les erreurs qu'on a faites par rapport au conjoint. Vous en êtes là? C'est vous? Oui. Oui. Je suis passé cette étape-là. Ah, c'est encore plus loin. C'est-à-dire que j'ai intervenu par rapport à ce que j'entendais de votre interlocutrice quand il dit qu'il ne faut pas les chercher dans le passé. Or, c'est en cherchant dans mon passé ce qui était la cause. Ce mal-être que j'avais en moi et que je recherchais chez les autres à mettre de l'insécurité affective aussi à l'autre, je l'ai mis et je me disais, j'allais toujours chercher ce qui ne me convenait pas. Parce que je voulais sauver d'une certaine façon l'autre en donnant le meilleur de moi pour recevoir. Donc j'en ai pour recevoir. Et quand j'ai compris le processus de par qui, j'ai pardonné à la personne. Et ça, c'est un truc très important, pardonner. Et on parvient à ce moment-là à faire le processus inverse, c'est-à-dire à avancer pour une fois. Vous comprenez, Magellan? Oui, tout à fait. Il y a des choses touchantes dans ce que dit Patrick. La première, c'est qu'effectivement, des fois, quand on souffre d'insécurité ou d'autres choses, mais particulièrement l'insécurité, et qu'on n'arrive pas à se soulager soi-même, on va essayer de soulager les autres. Et donc, ça nous amène dans un comportement de sauveur à outrance, où on cherche à sauver les personnes. Et c'est tout autant une tâche épuisante quand on cherche à sauver que quand on cherche à être sauvé. Donc, il n'y a pas d'issue. Fait que c'est un beau processus de responsabilisation que fait Patrick, et c'est ça qui me touche, de voir qu'il a essayé d'aller comprendre ce qui se passait, mais pour arriver vraiment à prendre la responsabilité de son mal-être. Donc c'est ça qui est beau dans la démarche qu'il a accomplie. Et depuis, Patrick, donc par rapport à ça, à cette étape-là, depuis, comment fonctionnez-vous? Vous n'allez plus rechercher, entre guillemets, le même type de personne qu'avant? Non. Les personnes se présentent à vous différemment. Parce que vous allez chercher dans le rôle de sauveur, comme dit Julien, vous allez chercher quelqu'un qui a déjà des problèmes, qui sont peut-être aussi du domaine affectif ou tout autre. Et vous ne donnez pas la plénitude de vous, vous donnez en espérant recevoir ce que vous ne recevrez pas. Vous l'aurez au début, mais vous ne le recevrez pas dans le truc. Donc votre insécurité va aller grandissante. Mais vous êtes beaucoup... Donc maintenant, je n'ai plus ce genre de personne qui vient à moi. D'accord, ouais.

même au fond de cette spirale. Ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tout est pétale. Alors j'écoute du Miles Davis. Avec J'écoute du Miles Davis. Vous irez l'écouter ce soir à Woluwe Saint-Lambert, parce qu'on me demande aussi de préciser quel Woluwe. Ah voilà, on a deux Woluwe chez nous, Saint-Pierre et Saint-Lambert. Donc Woluwe Saint-Lambert, elle sera en conférence ce soir. Maguelone Boé, conférence sur l'insécurité affective. Et vous êtes thérapeute en relation d'aide. Demain, vous serez cette fois à Woluwe. Ben oui, au même endroit, au même endroit, au même endroit pour présenter cette soirée d'information. Qui aboutira peut-être à l'inscription de personnes à cette école, on peut dire. C'est une école, c'est une absolument. École, hein, oui. C'est une école ici, enfin, à Bruxelles, puisqu'elle a été créée, cette école, par Colette Portelance au Québec. C'est donc une approche qu'elle a créée. C'est l'approche non-directive. Créatrice, voilà, l'ANDC. Elle a créé ça au Québec, ensuite en France, et vous êtes souvent à Paris, je pense aussi, oui, pour l'école qui est en place là-bas, et puis aujourd'hui à Bruxelles. C'est un tout nouveau défi que vous vous donnez alors. Hein. Avec tellement de plaisir, je suis ravie, ravie, ravie. Tout nouveau défi, on aura l'occasion, puisque vous serez là 11 week-ends, pendant lesquels les personnes iront se former, donc à cette approche, et bien vous reviendrez faire des émissions, hein, ça c'est clair. Ouais, avec grand plaisir. Avec d'autres thèmes que nous mettrons à votre disposition, ou vous me donnerez aussi, hein, sur voilà, vous me donnez des idées. Vous me donnez des idées. Ensemble. Bon, alors apparemment les personnes qu'on essaie de joindre ne répondent pas. Oui, j'aimais bien le message d'Isabelle qui nous disait: je suis arrivée à faire ces rêves récurrents chaque jour. Mon mari que je sais aimant pourtant me quitte. Mes enfants que je chéris oubliés, abandonnés. Un besoin d'être rassurée, besoin de partager sans cesse, se justifier. Et elle dit: hélas, comme je ne suis pas toujours comprise, c'est vrai que j'ai parfois tendance à chercher refuge dans des médicaments, dans de la suralimentation, dans de l'alcool aussi. Elle dit: je ne suis pas toute seule. Et vous avez dit, quand je vous ai lu le thème, le message tout à l'heure, j'en parlerai ce soir. Oui. C'est extrêmement important. Oh mon Dieu, mais oui, c'est parce que faut garder en tête que vraiment l'un des premiers ressentis de l'insécurité affective, c'est un sentiment de vide intérieur. Donc on va chercher à combler ce vide, on va le chercher à le combler au niveau affectif, mais on va le chercher à combler à tous les effets, par le travail à outrance, par la consommation d'alcool, par la consommation de drogue, par l'alimentation, donc la boulimie, par l'anorexie, qui est un phénomène d'autocontrôle. Donc c'est à peu près tout ce qui est à notre disposition pour essayer de combler ce vide intérieur, on va l'utiliser. C'est ce qu'on appelle des mécanismes de défense. C'est vraiment pour ne pas ressentir ce vide intérieur, on va chercher à mettre en place... Un des moyens, c'est ça, c'est la compulsion, donc les dépendances, il y en a d'autres. Il y en a certains, ça passe par le contrôle, je vais en parler ce soir, il y a différentes choses que l'on peut faire. Mais vraiment, une des choses, c'est effectivement, c'est toutes les addictions diverses et variées. Alors Dominique nous écrit aussi en disant: cette insécurité affective peut-elle surgir à tout âge, après une séparation par exemple, même si c'est nous qui avons décidé de quitter? Peut-on être sécure puis devenir insécure? Alors, c'est pas tout à fait le même phénomène que celui dont on parle ici, même si vraiment je veux dire toute ma sensibilité à cette auditrice. En fait, là, il y a vraiment quelque chose de contextuel. Donc, c'est la séparation qui déclenche de l'insécurité. Ça ressemble plus à un traumatisme, en fait, qui nous fait vivre beaucoup d'insécurité. C'est qu'il y a une expérience qui a été vécue, qui va marquer la personne. Et donc, la personne a besoin, quelque part, de digérer cette expérience et elle va retrouver sa sécurité. Bon, des personnes, Henriette, par exemple, qui s'est toujours sentie en sécurité. Elle dit: pourtant, il y a 2 ans, après 33 ans de mariage et 4 enfants, mon mari m'a quittée. Depuis, je vis une immense insécurité. Je ne me sens plus aimable. Que faire pour rebondir? Et grand merci d'aborder ça, dit Henriette. Oui, mais toute ma sensibilité à vous, Henriette. Alors, en fait, c'est un travail de deuil dans lequel vous êtes, hein, suite à cette séparation. C'est un autre sujet. Là, c'est tout un autre sujet, la question du deuil. Mais c'est vraiment ça qui est en jeu ici. Donc, d'aller chercher du support affectif, d'aller chercher du support thérapeutique, d'aller chercher peut-être aussi des, des groupes de soutien, je suis sûre qu'il en existe à Bruxelles comme partout dans le monde, pour essayer de retrouver comment passer à travers ce deuil, cette perte de relation. C'est vraiment ça qui est en jeu ici. Bon, ben vous ferez le tour de la question ce soir. Est-ce qu'on peut faire le tour de la question? On peut aborder la question. Voilà. On peut aborder la question. Il y aura des questions-réponses? Non, en général, pas ce soir. Pas ce soir, d'accord. Bien, mais on peut vous contacter toujours via votre site internet, hein, de toute façon. On peut me contacter via Facebook, via mon site internet. Et de toute manière, ce soir, je vais rester présente après la conférence s'il y a des personnes qui veulent venir me voir individuellement pour répondre à quelques questions. Thérapeute en relation d'aide, vous êtes Maguelone Boé, donc l'insécurité assez effective, vous le traiterez ce soir. Est-ce qu'on vous traiterez ça aussi dans les 11 week-ends? Est-ce que c'est un thème qui est prévu? Le thème n'est pas abordé directement. Non. Par contre, les 11 week-ends aident grandement à soulager cette insécurité affective par la connaissance de soi, par toucher à ses ressources, toucher à ses compétences, comprendre, défaire les fonctionnements dans lesquels on est, etc. Parfait. Vous serez à Woluwe Saint-Lambert ce soir, rue Kell 48. Et nous organisons nos journées, ateliers, soirées, conférences à Mons le 30 septembre, à Liège le 6 octobre, pour que vous ne confondiez pas. J'ai envie de vous donner un numéro de téléphone, tiens, si vous n'avez pas internet pour nous écrire, c'est le 065 32 71 87 pour avoir des demandes de renseignements par rapport à ces deux journées soirées à Mons le 30 septembre, à Liège le 6 octobre, avec émission en direct, avec atelier, avec quatre de mes invités. Merci beaucoup Colette et à tout bientôt, d'accord? Merci beaucoup à vous, merci beaucoup. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Bon après-midi à tous, encore un soleil de plomb et de la chaleur pour aujourd'hui, on commence à en prendre l'habitude, mais attention, c'est le dernier jour de ces fortes chaleurs avec des maxima de 31 à localement 33 degrés sur le centre et l'est du pays, 28 sur les hauteurs. Quelques nuages peuvent bourgeonner par endroits, mais sans conséquence. Demain, le changement de temps se confirme avec l'arrivée d'une zone orageuse, ce sera plutôt l'après-midi, voire la soirée, à partir de la frontière française. Demain, la masse d'air se rafraîchit déjà un petit peu sur le sud, 22 degrés. Par contre, encore 28 à 29 degrés sur le centre et le nord. Des averses orageuses qui se poursuivent dans la nuit de jeudi à vendredi. Vendredi, un temps variable avec des averses mais aussi des éclaircies et une moyenne de 19 à 23. L'été n'est pas fini, mais c'est maintenant qu'il faut préparer l'hiver. Chez Williams, nous vous offrons des prix fous sur tous nos châssis, portes et portes de garage. Williams, la vie du bon. Prix fou Williams, c'est jusqu'au 30 septembre et c'est pour votre bien-être. Plus d'infos au 02 374 30 06 ou sur châssiswilliams.be. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. Vous êtes marcheur, vététiste ou coureur à pied? Vivacité présente le 5e Éco-Trail de Bruxelles. Une course 100% nature sur 9, 18 ou 80 km. Rendez-vous le 24 septembre au pied de l'Atomium. T-shirt et repas offerts à tous les participants. Info ecotrailbrussels.com. Avec la DH, Moustique et le magazine Zatopek. Chez Vandenborre, ils ne disent pas seulement qu'ils adaptent leurs prix. Ils le font. Ils suivent systématiquement les prix des autres magasins. Et adaptent leurs propres prix. Pour être toujours les moins chers. Et ils sont tellement sûrs de leur coût. Qu'ils remboursent la différence si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin. Regardez sur vandenborre.be, vous y verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborre le fait. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Et vous écoutez Vivacité, il est 15h. Et à 15h, l'info vous est présentée par Justine Hermans. Bonjour à tous. Nouveau record de chaleur en ce 14 septembre, le plus chaud depuis 1964, avec 29,2 degrés enregistrés en Campine. Mais attention, le soleil, les températures élevées et l'accumulation de polluants pourraient faire grimper la concentration d'ozone. Le seuil d'information européen pourrait être franchi localement. La circulation du tram de la ligne 19 à Bruxelles, perturbée ce midi, elle a été fermée temporairement. Un enfant de 10 ans s'est retrouvé coincé sous un tram à Kuckelberg. Il n'est pas blessé, mais il se trouve en état de choc. Le jeune enfant voulait prendre son bus. Il a traversé la rue en courant. Il a été heurté par le tram de la ligne 19 et il s'est ensuite retrouvé